Les inspirés, le souffle des arts et des vies. Épisode 2. Dans mes petites bouffées d'art aujourd'hui, le monde de Michel Tournier. Chapitre 1er, les pierres sonnantes. Le 25 septembre 1937, un courant de perturbations circulant de Terre-Neuve à la Baltique dirigeait dans le couloir de la Manche des masses d'air océanique doux et humides. À 17h19, un souffle d'ouest-sud-ouest découvrit le jupon de la vieille Henriette Puissou, qui ramassait des pommes de terre dans son champ, fit claquer le store du café des amis de Planquette, rabattit brutalement l'un des volets de la maison du docteur Bautreau, en bordure du bois de la Hunaudet, tourna 8 pages des météores d'Aristote, que lisait Michel Tournier sur la plage de Saint-Jacques, souleva un nuage de poussière et de paille broyée sur la route de Plélan, mouilla d'embrun le visage de Jean Chauvet qui engageait sa barque dans la baie de l'Arguenon, fit bouffer et danser sur la corde où il séchait les sous-vêtements de la famille Palais, emballa l'éolienne de la ferme des Mottes et arracha une poignée de feuilles dorées au bouleau blanc du jardin de la Cassine. Michel Tournier, Les Météores. À l'image de ses premières lignes de roman, l'œuvre de Michel Tournier a pour particularité de nous emporter dans un souffle extrêmement fort, un souffle particulièrement enthousiasmant qui nous parle de personnages souvent transcendés par leur propre destin. Quand je parle de Michel Tournier à des amis, je remarque qu'on l'associe souvent à Vendredi ou La Vie sauvage, lu pour beaucoup d'entre nous au collège. Auteur consacré par l'éducation nationale, il a surtout remporté le prix Goncourt à l'unanimité pour Le Roi des Aulnes et le prix du roman de l'Académie française pour Vendredi ou Les Larmes du Pacifique. C'est donc un talent reconnu, apparemment académique. Et pourtant, Michel Tournier est souvent irrévérencieux, espiègle, irréductible à la bonne morale. Ce qu'on peut remarquer d'abord en lisant les nouvelles et les romans de Michel Tournier, c'est une certaine facétie de l'inspiration romanesque. Qu'on pense par exemple au Mediano Che amoureux ou au Coq de Bruyère, où l'on peut trouver des nouvelles comme Le Nain Rouge et Lucie ou La Femme sans ombre, où le personnage commence dans un monde souvent borné par ses propres limites et se retrouve à explorer un potentiel qui va lui faire ouvrir les écoutilles de sa vie au grand vent du souffle de l'enthousiasme. Il y a chez Tournier un appétit de la narration, l'envie de jouer avec son lecteur, de le surprendre. On peut donc lire souvent les romans de Michel Tournier à un premier niveau, simplement romanesque, amusant, drôle et jubilatoire. Mais Michel Tournier, c'est aussi et surtout des personnages obsessionnels qui sont habités par un souffle qui les dépasse et qui leur permet eux-mêmes de se surpasser. Je pense par exemple à l'oncle Alexandre et son amour des hommes et de la transgression, de sa vénération pour l'homosexualité dans Les Météores. Je pense aussi à Abel Tiffauges dans Le Roi des Aulnes et sa vocation maternelle, puisque son obsession est de porter un enfant et dont l'enthousiasme l'amènera en fin de roman à une apothéose d'anthologie qui le fera rejoindre les plus grands personnages de l'histoire. Cet enthousiasme obsessionnel est parfois dérangeant puisqu'il appuie sur les névroses ou les perversions de ses personnages, mais il est toujours vivifiant. En lisant les lignes de Michel Tournier, on a cette impression, nous aussi, que notre vie prend tout à coup une autre dimension. Michel Tournier sait décloisonner les limites que la société nous impose en les interrogeant et en les faisant dépasser par ses personnages. Mais Michel Tournier, c'est aussi et surtout une inspiration philosophique et symbolique. On peut par exemple penser à Vendredi et les Lames du Pacifique, dans lequel ce grand auteur fait du lecteur un véritable philosophe. Sans s'en apercevoir, on réfléchit au langage, aux limites de l'humanité, à la solitude, à la société humaine. D'ailleurs, dans une interview consécutive à la sortie de Vendredi ou les Lames du Pacifique, en 1969, Michel Tournier a dit clairement qu'il voulait donner à sa pensée philosophique une forme romanesque. Et plus encore que sa pensée philosophique, Michel Tournier est original et particulièrement jouissif à travers sa pensée symboliste. Il aime particulièrement jouer avec des symboles connus, en les renversant, en les décalant, en les triturant. Je pense par exemple à cette réécriture drôlatique de la Genèse dans le coq de Bruyère. Et je pense bien sûr à Abel Tiffauges, comme un Saint Christophe dérisoire et trouble qui, à la toute fin du Roi des Aulnes, trouve une apothéose digne d'un saint. Mais un saint trouble, un saint obsessionnel, ô combien humain, ô combien touchant. C'est cette richesse intellectuelle époustouflante et rieuse qui nous touche particulièrement chez Michel Tournier. Michel Tournier aime la vie. Il a d'ailleurs écrit un essai au titre évocateur, Célébration, sur ces faits ténus qui font pour lui le sel de la vie. Je vous engage par exemple à lire le dialogue du Fade et de l'Épicé, Le Jusant, Jean Renoir et bien d'autres. Il disait lui-même, il n'est rien de tel que l'admiration. Finalement pour lui, il n'est rien de tel que le goût de la vie. On peut lire dans certaines de ses notices biographiques en début de roman un petit clin d'œil que je pense avoir été introduit par l'auteur, où il est dit « Il ne vient à Paris que pour déjeuner avec ses amis de l'Académie Goncourt ». Et d'ailleurs, pourquoi ne pas terminer par un extrait gourmand de Célébration, les mots et les mets. Mon premier déjeuner Goncourt chez Drouhan remonte à février 1972, mais le destin m'y avait préparé de très longue date, par un de ces tours dont il a le secret. En effet, dès ma plus tendre enfance, mes parents m'envoyaient seul en Allemagne, et mon départ était précédé d'un rituel paternel où il y avait une certaine magie. Nous habitions Saint-Germain-en-Laye. Quand je partais pour l'Allemagne, mon père me conduisait à la gare de l'Est pour prendre le train de nuit. Le lendemain, des amis allemands prenaient livraison de moi à Francfort ou à Bâle. Le train partait vers 22h. Traditionnellement, nous dînions ensemble dans un restaurant, à la place du 11 novembre, qui s'appelait Drouhan. J'ai parlé de ce Drouhan gare de l'Est à M. Jean Drouhan. Il m'a dit qu'il le connaissait, mais qu'il n'y avait aucune filiation ou autre entre les deux établissements. Il n'empêche, dès l'âge de 8 ans, je dînais chez Drouhan. On me demande parfois ce qui se passe derrière les portes du salon Goncourt quand elles se ferment sur notre petit cénacle. Je réponds, c'est très simple, nous mangeons. Nous sommes des copains, ce qui veut dire que nous partageons le pain, tout comme des camarades. Il y a ainsi des abîmes de lumière dans l'étymologie. Nous mangeons, nous buvons et nous parlons. Trois activités qui s'accordent fort bien depuis le fameux banquet de Platon, de grande mémoire. Nous mangeons la cuisine de Louis Grondard, qui est de très loin la meilleure que j'ai connue en 22 ans à Drouhan. Les étoiles lui tombent du ciel. Et il les mérite. Longtemps, j'avais à ma droite Armand Salacrou. Il y avait deux Armands parmi nous. L'autre, c'était Armand Lanoux. Si ce prénom signifie « doué de mansuétude », comme le prétendent certains dictionnaires, c'est un fameux paradoxe. En effet, ils avaient en commun une terrible irascibilité. Tout à coup, ils devenaient cramoisis et jetaient des étincelles. Je ne les ai jamais vus se dresser l'un contre l'autre. C'est heureux, car il y aurait eu du sang. Nous sommes 10 autour d'une table que j'ai longtemps crue ronde et qui est en vérité légèrement ovale. Nos places sont fixes et j'ai toujours rêvé les bouleverser un jour, comme ça, pour voir. Mais je n'oserais jamais faire cette proposition révolutionnaire. Il est vrai que nos couverts sont gravés à notre nom, à la suite des noms de ceux qui les ont possédés avant nous. Il y a ainsi les bons couverts, qui sont marqués de peu de noms, et ceux qui tuent en quelque sorte. De ce point de vue, François Malajoris est privilégié avec deux autres noms seulement sur son couvert, Lucien Descaves et Pierre Macorlan. Quand on prend place pour la première fois à la table des Goncourt, on commence donc par examiner le couvert qui nous échoit. On découvre alors des noms qui, bien souvent, n'évoquent pas grand-chose à votre esprit. Il vous reste à vous renseigner et à faire quelques découvertes. La plus sympathique fut pour moi celle de Raoul Ponchon, qui entra à l'Académie Goncourt en 1924, l'année de ma naissance. C'était un bohème invétéré et un poète d'une grande fécondité, puisqu'il composa plus de 150 000 vers. Ajoutons qu'il cultivait l'inspiration bacchique et se fit connaître par un recueil intitulé « La muse au cabaret ». Le vin resta toute sa vie son grand émerveillement. « Ô vin, suave et salutaire, c'est toi qui fleuris mes chansons. Délicate fleur de la terre, ô vin, ô rose des buissons. » Il était fier de porter au milieu du visage l'emblème de son goût pour la vigne. Il apostrophe affectueusement son propre nez. « Ah, ce n'est certes pas en buvant de la glace que j'aurais fait de toi l'ornement de ma face, le délicat joyau dont je m'enorgueillis. Ô rival des Brugnons, tout fraîchement cueilli. » L'établissement du menu du prochain déjeuner était l'objet d'ardentes discussions avec Roland d'Orgelès. Il protestait contre l'habitude qui s'était établie de lui servir à satiété des gigots aux haricots sous le prétexte qu'il avait consacré à ce plat des vers devenus vite immortels. Quand le gigot paraît au milieu de la table, fleurant l'ail et couché sur un lit respectable, de joyeux haricots, l'on se sent beaucoup mieux. Un charme vous pénètre. Tout un chacun, voyant son appétit renaître, aiguise ses chicots. Boire, manger, parler, c'est tout le programme d'une société littéraire où la convivialité fait loi et dont le siège social officiel est un restaurant. Un mot me vient à l'esprit qui rassemble ces trois actes fondamentaux. J'ose à peine l'écrire cependant, car il contient une dose d'insolence à peine tolérable. Osons pourtant, et gardons-nous de nous prendre au sérieux. Ce mot, c'est baragouin. Rappelons qu'il vient du breton, et se compose de bara, pain, et gouin, vin. On sent chez Michel Tournier un vécu à la fois sage et rieur, et que ce qu'il nous transmet avant tout, c'est que notre vie a une puissance poétique, et qu'elle vaut la peine d'être vécue, qu'elle est bien plus grande que ce qu'on pense, que la poésie, le souffle transcendant sont à notre portée. Et c'est à mon avis pour cela qu'il faut lire et relire Michel Tournier. Rendez-vous pour une prochaine petite bouffée d'art avec le grand peintre symboliste Odilon Redon.